quelques notes de musique. Quelques notes de musique pour nos frères. Quelques notes de musique pour accompagner ma peine. Les larmes du ghetto pour nos frères partis seuls. Un cimetière en guise de musée, le cœur en ruine. Cicatrice translucide, présence abrasive. Un brasier aux yeux quand je pense à vous. Souvent je regarde par terre, dissimulant ma faiblesse. Chaque jour vos visages se perdent sous un peu plus de poussière. Éternée la vie, depuis ce jour nos sourires sont blessés. Un peu comme ce ciel gris, la pluie ne cesse de tomber. Comme les larmes de vos familles, j'ai fait la promesse solennelle de ne jamais vous oublier, paix à vos âmes. Une partie de nous s'est arrêtée de vivre, l'autre moitié blessée vous fera revivre. Paix à vos âmes, hommage à ces hommes. Le destin vous a arrachés. Parce qu'on vit ensemble, on rit ensemble, on kiffe ensemble, on souffre ensemble. Nous âmes ensemble, on meurt ensemble, on réapprend à vivre. Mais qu'à cette heure-ci on est bouffé, je suis presque étouffé. Quand je te parle, j'ai encore des montées de larmes derrière mes lunettes noires. Parce qu'on se cache pour pleurer, par pudeur, issu d'une triste histoire. Quand on part, c'est jamais par erreur. Le regard figé, l'air fier. Et si on pouvait tout faire pour faire marche arrière et revivre un instant ces beaux moments. Mais j'ai dû renoncer, je suis KO debout dans mon quotidien, on est défoncé. Il nous reste rien, nous, à part des blessures qui cicatrisent mal et l'ADN dans un drap blanc. Attendez, il me faut encore un peu de temps pour me relever seul. Et je prie l'esprit dans un linceul. Maquiller nos peines avec un peu de courage chaque matin. C'est le chant des oiseaux qui vous rend hommage. J'avais promis de te rendre hommage. J'avais promis qu'à l'infini j'oublierais pas. Ni l'imagine la peine immense. Le son fait place à l'image cruelle à mon sens. Les seuls les sages savent pourquoi les ponts s'en vont. Dur, touché dans ma sève si impure. La mort a pris ton âme ce fameux dimanche. Le 8 mai 95 vers le ciel mon frère s'en va, laissant son corps sur le sol. Même si je suis seul et convalescent, je m'en sors à mon frère qui dit ce triste morceau en somme. Je suis orphelin, le mal ne cesse de torturer mon âme. Et chaque jour rajoute une douleur à la somme. C'est la mort, c'est invincible. Son coup amer, mon stylo tremble, se met à refléter les douleurs qui nous affectent. Mes souvenirs, moi et mes troubles, sur l'éternelle mélancolie d'un sang, réunissant la douleur charnelle. Repose en paix, mon frère. J'ai pas eu le temps de te dire ce que j'essaie de dire à ceux qui me restent. Pour tous nos frères partis, Edgar, Nordine, Michel, Titi, Farid, Laurent, Hamid, Keke, Kamel, Yassine, Mustapha, Samir, Rodrigue, Badem, Miloud, Cyril, Alexis, Richard, Jean-Jacques, Anthony, pour tous les gens qui ont perdu un être cher, un père, une mère. Cet album, il est pour vous les frères.